écoute, poteau. Fais péter le son dans ton auto. Hey Zach, nouveau texte, Marc, nouveau. Hey Zach, nouveau texte, Marc, nouveau con. Hey Zach, nouveau texte, Marc, nouveau. Hey Zach, nouveau texte, Marc, nouveau contexte, constate, nouvel empire, ouais, nouveau délire, c'est, j'suis pas un thug, et vas-y, suck-moi, moi, arrête, j'me drogue, quoi, pour pas que la rime bug, vois comment j'suis, et vois comment j'fais, s'il te plaît, c'est tout Nissan, 20 mesures dans mon couplet, opérationnel, et tu le sais, ça t'embarque, mec professionnel, laisse même des autographes dans la garde, parle franco, et toi, tu les veux, les oraux, bah, sors tes couilles de taureau, et ton masque de Zorro, et frérot, tu veux des bars, sans goûter au bar. Lascar qui est prêt à tout sauf à se tenir un carreau. Et c'est pas tout, et phénomène, bras ballants, je t'emmène dans mon domaine, t'as reconnu le talent. Et y'a la rime et les galons, les billes dans le pantalon. Non, j'ai pas le bras long, dédicace aux frères au ballon. Donc une pensée au bagne, pas ceux qui ont la grosse tête. Car si dans ta tête c'est les steaks, dans ton style c'est la campagne. Et regarde qui m'accompagne, y'a toute ma horde. Et moi je suis venu t'ordre, et la tessie t'en fume corde. S5, je viens trinquer, je lève mon verre à la haine, à la tienne, à mes reilles. En bas, 2005, tout est flingué. Les gens sont cinglés. Hier, on était frères, aujourd'hui, on ne s'aime pas. S5, je viens trinquer. J'lève mon verre à la haine, à la tienne, à mes rails. En bas, 2005, tout est flingué. Les gens sont cinglés. Hier, on était frères, aujourd'hui, on ne s'aime pas. S5, tant de questions, si peu de réponses. Tant de gens qui nous enfoncent, donc tant de remises en question. Retourner le veston, ça c'est négatif. Seul l'euro est attractif, ou sinon, c'est hors de question. J'ai jamais dormi dans la rue. J'y ai grandi, l'après-midi à glander. Certaines nuits en garde à vue, l'ami. C'est fou ce que les nuits sont longues. Seul à penser à ceux qui passent des années à l'ombre. Et t'as dealé ou t'as péta. Et tout ça pour l'euro. Dans les deux cas, l'état te fait payer plein pot, frérot. Incompatible, moi et ma face de bico. Antipathique aux yeux de la bande à Sarko. Fais-nous passer pour des mecs chum. La télé comme casting, on se HM. Donc on finit dans le zapping, ping. J'ai presque lâché le parking. C'est vrai qu'on me voit moins, t'inquiète pas, franchement. Je suis dans le coin et je roule ma poche, je veux des parts à la bourse et mon spar à la bouche, je fais le plein et je me barre. Et ouais, au bled ou autre part, peu importe, l'important que je m'en sorte en dinars ou en dollars. S5, je viens trinquer, je lève mon verre à la haine, à la tienne, à mes rails d'en bas. 2005, tout est flingué, les gens sont cinglés. Hier on était frères, aujourd'hui on ne s'aime pas. S5, je viens trinquer, je lève mon verre à la haine, à la tienne, à mes rails d'en bas. 2005, tout est flingué, les gens sont cinglés. Hier on était frères, aujourd'hui on ne s'aime pas. Ouais, Tunisiano. Patrimoine du ghetto, mon pote saut, Joe le balafré, 9-5, 9-3.